arrivé dans ce lycée, un petit peu par erreur. Quand je me suis fait percuter par une fille douce comme du beurre, elle a des bûcherons très doux et puis un rosaire au cou. Oh, oh, oh, oh, fais-moi un cappuccio, un cappuccio. Bois-moi vite jusqu'à plus soif. T'es une vampire très classe, mais c'est pas grave, car t'es trop nice. Fais-moi un cappuccio, un cappuccio. Bois-moi vite jusqu'à plus soif. T'es l'amour de ma life, j'suis ton repas. Peu importe, je suis dingue de toi. T'as des rivales au lycée qui voudraient prendre ta place. Y'a du monde au balcon, une sorcière, une fille des glaces. Mais peu importe tout ça, c'est toi que je préfère, voilà. Oh, oh, oh, oh, fais-moi un cappuccio, un cappuccio. Bois-moi vite jusqu'à plus soif. T'es une vampire très classe, mais c'est pas grave, car t'es trop nice. Fais-moi un cappuccio, un cappuccio. Bois-moi vite jusqu'à plus soif. T'es l'amour de ma life, j'suis ton repas. Peu importe, je suis dingue de toi. Fais-moi un cappuccio, un cappuccio. Bois-moi vite jusqu'à plus soif. T'es une vampire très classe, mais c'est pas grave, car t'es trop nice. Fais-moi un cappuccio, un cappuccio. Bois-moi vite jusqu'à plus soif. T'es l'amour de ma life, j'suis ton repas. Peu importe, je suis dingue de toi. Fais-moi